Yeah. Un démo, Hugo. Check. Je vais dire un truc. Hey. Tu veux savoir pourquoi les rappeurs se la pètent? C'est simple. Parce que deux minutes après, ces petites chiasses se chient dessus. Ok. Blâme un pite. Dis-lui bonjour et te lâche un pick up, ça sera big. A des mots tu filmes, c'est à tu piffes. Le bise, pour baiser, c'est à des tâches, les prises. C'est le feuilleton de bande à Patrick, tous les jours on vit les prises. Je suis un mec du bitume, je voudrais changer. Gros, ça serait vendre pas un tic de tout lâcher pour aller vivre en forêt. Enfoiré, j'ai foiré les études et puis ma vie. Les soirées sans bitch, c'est des soirées, j'bête en thérapie. C'est limpide, c'est magique, c'est pareil, je le suis aussi. Je suis aussi périmé que les canettes de Pepsi du fond de l'épicerie. Ici, les seuls mecs qui se la pètent sont ceux qui chient dessus. Aussi marrant de voir un bleu et un gendarme qui se dispute. Chassé dans la tête, je rentre armé jusqu'aux dents. Mais Chico, c'est un film d'action, test aura pas vécu longtemps. J'ai mon plan, mes gants, mon gland dur. C'est que élégant et quand on t'encule, ok, moteur, ça tourne, drogue, écoute ma soupe. Je remets le compteur à zéro, refais mon beurre de ma tour. Frotter mon zep, ma coupe, en mode ouvre ta bouche. Je te fais goûter l'apéro ou perdre dans le pool de ta foule. 9-1-9-4, aiguisé, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qui c'est, panique pas, on te ramène pas au mitard. Entamant les suicides, je veux goûter les bails. Stade du flou, j'ai les crânes. Faut tout pousser dès le départ, tout je vais couper les départs. Écoutez tous mes ébats, je vais douter même les fracas. Je viens doubler donc les écrases, qu'ils actent donc vous fait des chats, man c'est ça, on doit tout niquer. Pas finir sa vie dans un hall. Voilà les armes, tu vas roupiller avec ma bite dans ta bouche. Gros j'ai pas le temps de les pas. Ouais je mec t'attendais quoi? Dégage, reste pas dans mes pattes. C'est pas que mais ça sent l'éclat. C'est dead si tu veux t'évader comme un Dalton. Viens, je vends tellement de fer qu'à cause de moi ils finissent d'Altonien. Je pense que la gloire comme pour une femme, ça passe par le trou. Autant que je pense que ma gloire et ma doom feraient un beau coup. Les poucaves viendra beaucoup. Moi je suis d'appli à ce qu'il pète. Les pipettes faut les faire chanter comme David Hallyday. C'est censuré, c'est trop. Pas, paraît que c'en est alarmant. On peut torturer normal en buvant un thé à la menthe. C'est tout pour la monnaie, des charges retournent pour chacal. Avec les temps longs, autant dire les crocs d'un gros chacal. Voilà, nique la mère à ceux qui chacal. J'ai fait des conneries, mais rien à voir avec un compte chacal. Ça m'accasse, Nico, Nico, ça fait mal à la tête. Comme ton bigo, comico, que les keufs regardent tes appels. On doit grailler la gamelle de toute façon, un jour ou l'autre, ouais. J'suis pas un acteur, mais j'veux autant de pièces que celles qui jouent à Broadway. J'suis tombé sur des bâtards, puis j'suis tombé au Hells. Pétasse, je te hais, TOP pour payer l'hôtel. Tu veux un flot de bâtards, check. Check, là l'animal, ma bite pour ta bouche quand j'm'amanie le mic. Tu peux m'appeler Tarek, tu peux m'appeler Ademo. Ça fera toujours pour les traîtres qui crachent des noms. Fais pas la gueule parce qu'une crasseuse taquée là. Une, deux, trois saisons suffiront pour taper un tas de buts perso. 10 chiennes ne valent pas une meuf Hélène. Pas de capade, j'en occupe, non lèche pas les chefs délais. Ici c'est tartare, j'ai mon sable laser si tu fais 4 mètres. Prends la relève de ta meuf si tu penses que ce système calme, ouais. C'est classé gang, wesh man, vas-y note. La seule leçon que j'ai appris vient de ma vie par des profs. Tu peux jacquer, tu verras ma haine au point culminant. Ademon F1TZ, 9-4 gag, la voix du ciment. Je vois défiler les saisons, je suis un dollar qui attend son bus. A chaque parloir, j'augmente le volume de mon bus. À part nos vies, y'a aussi le shit que l'on fume. J'ai plus d'expression comme les photos de ma mif sur mon mur. La liberté gros, chacun l'attend en cellule. T'as eu un mandat d'arrêt mais pas de mandat pour cantiner, je sais que c'est dur. Au lieu de dire garde la voix, gros sorti, garde la pêche. Ouais Chico, garde tes conseils, je reste un bouc dans la tête. Je suis loin d'être un poète, je m'en bats les roupes de ce statut. Je m'amuse qu'avec mes scraps jusqu'au jour où on se parlera plus. J'ai trop vécu la tête, j'ai coupé des tailles. En bas du hall, ma vie depuis craveur dans ce couplet. J'te la rappe la tôle. J'connais la haine par cœur fidèle, toujours à mes côtés. Elle m'a dit de choisir un bracelet, j'ai pris les deux, j'ai fini me loter. J'ai eu les yeux plus gros que la paire de Ray-Ban. J'ai appris que pour faire du taf propre, faut d'abord apprendre à faire du ménage.